J'arrive qu'il eut comme en 2007. SOK qui tu marqueras pas de point négro même en 2007. Que des vrais négros dans la secte, que des vrais négros dans le clan. Bientôt comme SS dans l'assiette, tout se passe comme prévu dans le plan. Gadien, tout est planifié jusqu'à la fin. Réseau Robert pour les 48. Shenzhen rouleur pro, donne-moi la serre. 40 000 et j'en roule 48. Crash MC comme plate Fataya. Bois la concu en deux, deux gros comme Ataya. Faut que le rap vienne tous les jours. Négro v'là de pute et de cadre comme à Pataya. Sur le rappeur, SO Papou. Point rouge sur ton front, négro, SO Abou. Vrai négro, j'suis depuis la maternelle. Jeune ex sauvage, SO Abou. Galère, ils vendent leur âme pour des 8000 ventes. Les mecs vont la dalle comme s'ils avaient 8000 ventes. Sous les États-Unis d'Afrique. Gardez un MRP Kadhafi. J'arrive qu'Illuminati, arabe, nazi, SO, tragédie Kadhafi. Je faisais comme Alejandro. J'entends dans la défense comme Alexandro. Équipe terroriste noir comme Boko. USPC comme Yoko. Joue la fantôme comme Rocco. Négro, j'ai les crocs comme Croco. Terroriste noir comme Boko. Yo, splissé comme Yoko. J'ai la fantôme comme Rocco. Négro, j'ai les crocs comme Croco.